Coucou à toutes et à tous. C'est encore moi. Mais si, vous savez, Mogorange, votre touche d'humour et de poésie de la Mog Radio. Ça y est, vous en souvenez? C'est bien. Bon, si c'est pas le cas, tant pis, c'est pas grave. Mais bon, je suis pas là pour raconter le bon vieux temps de mes news. Mais parlons bien. Parlons news, justement. Donc pour celles et ceux qui ne le sauraient pas encore, votre forum attitré dont parle votre radio à son propre site à l'adresse www.ffdestiny.fr. Et depuis donc maintenant 2 mois à peu près, votre propre serviteur dévoué qui vous cause en ce moment même continue son travail dans l'ombre. Et depuis maintenant donc 2 mois, le remplit certes lentement mais sûrement. Avec des news chaque semaine. Comme ça, au lieu de tout mettre d'un coup et qu'il n'y ait plus rien pendant des mois, je distille petit à petit. Comme ça, au moins, ça fait un petit peu d'ajout de contenu pour le site. Et ça me permet de me prévoir aussi au moins un petit planning. Mais bon, après ça, ce sont des détails qui, je pense, vous n'en avez rien à faire tant que vous avez le contenu en plus. Mais bon, en général, cette petite news hebdomadaire, je la fais donc le samedi. Bon, après, suivant ce que je fais côté perso. Ça peut être le matin, l'après-midi, le soir, mais en général, c'est plus vers la fin d'après-midi quand même. Donc, et même pendant les fêtes, je chôme pas, pas de vacances. Et puis, hein, c'est un bon prétexte, hein, les fêtes, les vacances, pour dire, oh, petite pause, voilà, d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, on sait jamais trop. Non, non, non, non, non, moi je suis pas comme ça. Je fais plaisir, on y va. Et donc, pour parler bien du niveau contenu, puisque c'est quand même le principal, je pense, qui vous intéresse, donc j'ajoute un petit peu ce que j'ai en stock et puis, en fait, vu que j'ai pas mal de choses en stock et que je fais des petits ajouts chaque semaine. Du coup, ça me permet de pouvoir faire des fils rouges, comme on dit. Là, c'est-à-dire un contenu bien particulier qui peut être qui est assez volumineux et que je, comment on dit, je distille à petite dose du coup chaque semaine. Et donc ça me permet donc d'avoir voilà justement un fil conducteur, même plutôt je dirais un fil conducteur pour bien faire la chose. Comme ça au moins c'est pas d'un coup voilà, ça c'est pas d'un coup voilà, ça le contenu voilà c'est genre FF3 et 4, la semaine d'après c'est 7 et 8, après c'est 1 et 5, ensuite 6 et 2, enfin voilà, c'est pas un gros bordel comme ça. Il y a quand même un fil conducteur. Enfin, du moins, je vais essayer de garder un fil conducteur aussi longtemps que je le pourrai. Mais bon, pour l'instant, normalement, c'est bien parti. Donc, il y a eu donc le premier fil rouge qui va se terminer donc samedi. C'est les jobs de Final Fantasy V. Même si c'est pas totalement, on va dire, complet, bien fait et tout. Mais on va dire que moi, le principal, quoi, sera mis. Et après, il y aura. Après, je peaufinerai un petit peu au fil du temps, mais ça, je verrai bien en temps et en heure. Et donc, du coup, en ayant donc un fil rouge, donc le fil rouge, donc c'est sur un certain Final Fantasy, du coup. Eh bien, j'essaye quand même avec d'à côté de ce fil rouge de mettre un autre contenu, mais sur déjà sur un autre FF parce que bon, sinon, si c'est une news où il n'y a qu'un seul FF, bon, ça fait pas terrible, on va dire. Enfin, je trouve. Alors que voilà, un peu de contenu sur deux FF chaque semaine, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, voilà, petit fil rouge. Voilà, et donc et à côté donc de ce fil rouge, donc des jobs qui finit samedi, donc il y a le fil rouge des capacités de Final Fantasy VIII. Donc les capacités qui permettent de transformer soit les objets en magie, les objets en d'autres objets, des magies en d'autres magies aussi. Voilà, ça va durer donc théoriquement oui, transformer aussi, j'ai failli oublier de transformer les cartes du triple triade sinon. Je sais pas trop comment on le dit mais bon, c'est comme ça. Voilà, du moins c'est comme ça. Enfin bref. Donc voilà. Donc il y a ce fil rouge des capacités de Fefuit qui a attaqué déjà il y a 3 semaines, si je dis pas de bêtises. Et donc qui se terminera normalement le 21 avril, avec la dernière partie. Et qui, bon, allez, je peux le dire. Je peux le dire, la dernière partie justement la capacité mode carte. Du moins une seconde partie parce que il y en a quand même pas mal puisque hein, le triple triade pour ceux qui ne savent pas c'est quand même 110 cartes en tout donc je vous laisse voir sa taille et son volume quoi. Et donc et derrière et après ce fil rouge donc des capacités de FF8, comme j'ai prévu sur mon planning, théoriquement, ça sera les GeForce, justement, encore du FF8. Et oui, que voulez-vous? Eh bien, FF8, je suis à fond dedans, enfin. Ça fait partie de mes préférés et. J'ai récupéré pas mal de trucs, pas mal noté, donc bon. Enfin bref, on va zapper les détails, vous en foutez. Donc voilà, j'essaye d'essayer de gérer tout ça aussi, du coup, à récupérer aussi du contenu en plus aussi à côté de news hebdomadaires de ce que j'ai, donc de ce que je mets en ligne parce que j'ai déjà et tout. Je gère tout ça à ma manière. Et j'espère tenir bon jusqu'au bout. Donc, vous inquiétez pas pour moi, même si je peux ne pas aller bien, déprimé ou je sais pas quoi, je maintiendrai mon rythme. Et ensuite, pour faire bien les choses, il y a également. C'est je vous mets à disposition, enfin je ne vous mets pas à disposition, si, je vous mets à disposition. Bref, on s'en fout des détails. Donc une première vidéo test qui normalement sera suivie par pas mal d'autres. Mais que par rapport à ma vie privée, à ce que je fais en cours, les ajouts que je fais pour le site chaque semaine, quand je récupère un peu, que je sors à droite à gauche un peu, enfin, je passe les détails. Bon, ça mettra du temps pour arriver, mais c'est c'est sûr et certain, il y en aura plein. Donc, vous pouvez aller regarder cette vidéo, ce qui est disponible sur le forum, dans la Mog Radio. Après, vous indiquez l'adresse de la vidéo, ça serait un peu long à dire, quoique. Oui, c'est donc si vous voulez donc voir la vidéo, donc je vous indique directement le lien. Donc c'est vimeo.com/34013757. Donc voilà, c'est une petite vidéo test tranquille, vraiment test de chez test. Voilà, testé. Je vous passe les détails. Mais bon, voilà. Elle est faite. Je trouve que les rendus est intéressant. Donc après, je suis ouvert à toute amélioration, commentaires, suppositions, révélations, tout ce que vous voulez. Toute critique, oui, en fait, toute critique. Donc n'hésitez pas à la laisser. À laisser un petit commentaire ou deux pour dire un petit peu comment vous trouvez, si vous trouvez que le rendu est bien ou pas, ce qu'il faut changer, pas changer, voilà, enfin bref, tout ce bordel quoi. Puisque même si je le fais pour moi, c'est au final pour vous en faire profiter quand même. Et oui, parce que je suis comme ça, j'aime faire. J'aime rendre service. Donc, voilà. Sur tout cela, on va quand même finir. Je vais vous quand même terminer sur votre pointe de poésie que je suis sûr vous a pas manqué. Donc, voici votre touche de poésie pour votre plus grand bonheur. Ou pas d'ailleurs. Les cours d'anglais, comme ceux de français, ce sont pour les niais qui ne sont pas mariés. Ah là, quel poète je fais. Mais bon, soyez rassurés, hein, voilà, je parle pas mal un peu de cours, de profs, de pas mal de choses, que je tourne ça de manière effectivement, ça paraît cru, je pense, pour certains. Peut-être pas que cru aussi d'ailleurs, mais bon, il peut y avoir tout plein d'autres choses ainsi, mais que voulez-vous, hein, si j'ai une inspiration comme ça, qui me fait parler de choses, on va dire, que. Théoriquement, tout le monde aura côtoyé, passé, vécu dans sa longue vie, j'espère, pour la majorité, pour tout le monde, quoi. Donc, forcément, ben voilà, je m'en sers, quoi. Et si ça choque, ben c'est comme ça, quoi. Forcément, ça peut pas plaire à tout le monde. Donc je fais avec. Donc voilà, sur cette touche du coup de poésie, je vous retrouve donc pour ceux qui sont intéressés et qui sont intéressés, qui veulent voir un petit peu ce qui se passe sur le site, ben je vous retrouve donc là-bas, donc je vous redonne l'adresse. www.ffdestiny.fr. D'ailleurs, donc je vous retrouve samedi pour la prochaine news du site avec du contenu. Donc bon, pas de surprise pour le contenu. Donc c'est donc fin des jobs de FF5 et une nouvelle capacité de FF8. Et donc à côté de ça, donc il y a des petites surprises qui se préparent pour le site. Après, pour quand, ça se fait lentement, mais sûrement, mais vous verrez ça en temps et en heure. Et puis, je pense que j'en reparlerai dans une news, dans une de mes news, quand la surprise se profilera un peu plus précisément. Donc, et puis pour mon prochaine intervention sur votre antenne, sur l'antenne de Mog Radio, ça sera ben, quand ça sera. Moi-même, je n'en sais rien, donc restez branchés sur la Mog Radio et tout ça. And see ya.